Et 18h, place tout de suite à l'émission Art & Soul avec le retour de nos Degus de Miami. Art & Soul, tous les mardis de 18h à 19h. Présenté par Timothée Milton, Huggy Anton et Guillaume. Art & Soul. Et ils sont là. C'est bon ça. Yeah man. Ah, il fallait que je le mette quand même une deuxième fois. Ah bah oui. Attends, avant de partir à Miami, après de retour. Ça va? Bah écoute, bien, mais c'est à vous qu'il faut demander ça. Bah moi, depuis la semaine dernière, tout va bien. Bah oui, il était là. Ouais, bah moi, j'ai failli parvenir. Non, c'est vrai, bloqué la douane. Non, l'avion. Trop de trous d'air. Ouais, j'ai failli rester. Des trous d'air, c'est marrant, j'en ai senti un tout à l'heure. Samedi aussi d'ailleurs. Samedi aussi, ouais. Il y avait pas mal de trous d'air. Ça va mieux les flatulences? Ouais, non, c'était pas les mêmes trous d'air que j'ai eu au retour d'avion. Bon, alors, comment s'est passé le séjour à Miami? Dites-nous en un petit peu plus. Bah, je pense qu'on a gardé encore quelques couleurs. D'ailleurs, Tony, je trouve qu'il est encore bien coloré. Ouais, je pense c'est qu'il, vrai. Je pense qu'il doit tricher parce que là, écoute, moi j'ai tout perdu. Non, mais c'est encore des bonnes couleurs, je trouve. Moi, j'ai pas triché. Hein. Non? Ça fait 3 jours que je me suis pas lavé, c'est tout. C'est sympa. Non, mais écoute, c'était ma foi très sympathique. Je pense que Tony a bien tout raconté déjà la semaine dernière. Bah, on va pas épiloguer là-dessus, mais c'est vrai qu'on a passé un très très bon séjour. Ça fait plaisir. Hein. Et on met ça l'année prochaine encore plus fort et encore plus motivé. Et est-ce qu'on peut voir les photos que vous avez prises là-bas sur des MySpace par exemple, sur, oui, ils vont bientôt être sur le MySpace de l'émission de radio qui est. Faut qu'on censure d'abord certaines photos. Ouais, je pense qu'il y a. Ah ouais, ouais, il y a de la vidéo, il y a tout. Hein, on a. Ah, il y a de la vidéo. Bah oui, de l'événement qu'on avait fait le premier jour, il y a vraiment plein de choses à mettre dessus, mais pour le moment on n'a pas encore tout récupéré et comme dit Tony, il va falloir qu'on censure un petit peu. Heureusement que c'est que de la radio en tout cas. Voilà. Oui, tout à fait. Bon allez, place à l'émission avec un programme assez chargé encore une fois ou pas? Bah écoute, toujours, hein, il faut qu'on charge. Bien, de la matière. Chargeons. Nouveauté de la semaine pour commencer et se mettre un petit peu dans le bain. Voilà, un petit peu exactement. Dans le bain, voilà. Ensuite, une petite présentation d'artiste avec Jimster du label Free Range. Le label Gotha Keep Face Records de Milan. Le meilleur du clubbing avec, on va vous présenter le concept éphémère. L'agenda de la semaine à ne pas manquer. Et puis le petit track Remember. Excellent, j'ai cru l'entendre tout à l'heure sur Strictly. Oui, c'est ça, tu l'as bien entendu. C'était pas mal du tout. Ah, allez, oui. On ne dit rien pour l'instant. Les meilleures nouveautés soulful, garage et house sont dans Earth and Soul. Earth and Soul. Et oui, nous commençons avec notre première nouveauté de la semaine, avec The Regis Ford Harris Project. En fait, tout simplement, Quentin Harris et Timmy Regis Ford qui se mettent à deux et qui nous font un petit titre sympathique, ma foi, avec le titre Astral. Alors, est-ce que tu peux me dire sur quel label c'est? Objectivity. Voilà, bah, je n'avais Son pas... Son of Flow. C'est le, ouais, c'est le tout nouveau Objectivity, en fait. Okay. D'accord. Le Son of Flow, pour info, était sorti il y a combien de temps environ? Il y a 2 mois, je pense, à peu près environ. Je sais qu'on l'avait passé à l'émission. On l'avait déjà fait en février, ici, ouais. Et c'était le tube de Miami. Voilà, oui, on l'a entendu. Vraiment beaucoup de soirées. Assez souvent, ça fait. Et à mon avis, celui-là, ben, c'est dans le même esprit, un peu plus dark, mais bah, toujours dans le même esprit d'Objectivity de Dennis Ferrer, donc à découvrir. Très bien, c'est tout de suite la première nouveauté de la soirée. We'll be right back. Galaxy avec un instant la première nouveauté de la soirée, The Register for the Harris Project avec Astral. C'est sur le label, vous m'avez dit, Objectivity. Voilà, le même label que Son of Fro From. Les meilleures nouveautés soulful, garage et house sont dans Earth and Soul. Earth and Soul. On repart en France avec un artiste de Lyon qu'on a déjà présenté ici d'ailleurs. Tout à fait. Donc Manu, qui nous signe un bon petit projet sur le label de Frank Roger, Earthstrumental Music, avec le titre This is a Test. Bon, c'est un bon petit test en tout cas, hein, parce que à mon avis, celui-là, il restera pas test longtemps. Ouais, c'est une bombe. Ouais, il est déjà bien positionné dans les charts de Track Source et c'est toujours le même esprit du label. Il n'y a pas de surprise, il y a que du bon. Un bon style de Manu, comme on a déjà pu entendre auparavant dans l'esprit de ses productions. À découvrir. Très bien. C'est nouveauté, c'est sorti. Nouveauté, toujours. D'accord. C'est sorti en digital il y a 2 semaines. Ouais. Et ça sort en disque normalement à partir de la semaine prochaine. D'accord, impeccable. Eh bien, écoutez, on va suivre ça de très très près. Et d'ici quelques instants, donc la 3e nouveauté avec le label Bougie Records. We'll be right back. Galaxy avec à l'instant la deuxième nouveauté de la soirée. On va vous le répéter parce qu'il y a quand même des gens qui nous appellent pour savoir ce que c'est. C'était Manouf avec le titre This is a Test sur la belle Instrumental Music. Et plus d'informations sur le MySpace. Oui, ou bien carrément sur le site www.frankroger.com. C'est le manager du label et vous trouverez même toutes les autres sorties du label Instrumental. Les meilleures nouveautés soulful, garage et house sont dans Earth and Soul. Earth and Soul. Tout de suite, on repart pour le track numéro 3, la nouveauté numéro 3. Donc. Plus rythmé en plus. Ah ouais, t'as vu encore ça? Encore plus rythmé, ouais. Et donc, par rapport à ça, on a un artiste un peu spécial, puisque c'est Ta. C'est Ta. C'est Ta. Alors après, vous pouvez faire suivre ce que vous voulez derrière, mais c'est Ta quand même l'artiste, avec le titre Time, et c'est le remix de DJ Oji, je pense que c'est le boss du label Poji. C'est bien ça, ouais. Voilà, puisque ça ressemble un peu d'ailleurs. Poji Records. Donc voilà, c'est sur le label Poji Records. Label américain. Américain. Ah, je peux vous laisser le myspace.com/ Poji Records, donc avec entre deux le tiré du 8. Pour faire plaisir à certains, Poji Records. Console. Love ran out from a good thing. I know I love you. Cause you know I love you. Avec un instant la troisième nouveauté de la soirée dans l'émission Art & Soul depuis 18h en direct sur Galaxy avec Timothée Milton et Guy Anton. C'était Ta avec le titre Time et c'était le remix de DJ Oji sur la belle Oji ou Pogi, comment on dit? Oji. Ah, parce que vous l'avez tellement bien épais tout à l'heure que j'ai déjà oublié. C'est parce que je l'ai mal écrit, je pense. Hein. C'est ça, tu voulais dire? Il va le répéter. www.myspace.com/POJI Records. Les meilleures nouveautés soulful, garage et house sont dans Earth and Soul. Earth and Soul. On retrouve tout de suite Fresh Soul. D'ailleurs, il faudrait des aérosols ici, je pense. Attends. Je vais te ramener quelque chose. Avec le titre Zulu Dance sur le label donc Fresh Soul Music, un label qui sent très bon, ma foi. Il sent, ouais, ça peut être que sentir bon, c'est vrai. Yeah. Donc, un peu de fébraise dans la radio. C'est bon, là. Ah, c'est bon ça. Ça fait du bien. Arrête de te lâcher comme ça, toi. Donc tout de suite, Fresh Soul avec Zulu Dance sur le label Fresh Soul Music. Avicii avec un instant la quatrième nouveauté de la soirée avec Fresh Soul, ça s'appelle Fresh Soul Music. C'était le titre Zulu Dance. Les meilleures nouveautés soulful, garage et house sont dans Earth and Soul. Earth and Soul. Eh oui. Eh oui. Après le coup d'aérosol. C'est braise. C'était pour les odeurs très très lourdes. Ah mais tu aurais pu faire une publicité finalement. J'ai appris une autre voix. Mais je t'aurais bien pris pour combattre, tu sais, le truc à combattre en fait, tu sais. Heureusement qu'à la radio on n'a pas les odeurs. Hein, parce que... Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah moi je suis asphyxié, je peux plus parler là. Je vois que Guy est complètement. Il est grave, il dit ça, il est pire que moi. Non, là. Ouais. Ah, écoute, ouais. Moi j'ai jamais senti. Toi je viens de te sentir aujourd'hui. T'as pas mangé. Tu non, manges, mange un Big Key Burger avec Tony, tu vois. D'ailleurs, à ce propos, si une Tony qui nous écoute, hein, c'est gratos, c'est pour nous. Ah bah oui, bien sûr, c'est normal. On va faire de la pub. De la pub à Fifeux, à l'ERS. Prix de l'ERS. Non, j'arrête. Parce qu'après, on va dire que je pars en vrille, je raconte ma vie. Track numéro 5 qui est le coup de cœur de la semaine. Qui est alors, bientôt fini d'ailleurs. Qui est bientôt fini. Qui ouais. est déjà bientôt fini. On va peut-être le remettre finalement. Avec Studio Apartment, donc des Japonais. C'est bien ça. Ouais. Oui. Et voilà, le morceau est fini. Donc, l'agenda. Et donc, c'est le titre For Eruption. Alors, je n'ai pas trouvé de label. Je sais que c'est sur la compile Defected in the House Miami 2008. Ouais. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. En tout cas, écoutez. Le titre, c'est quoi déjà? For Eruption. Oh, c'est le carnage. Bon, t'éviteras d'emmener des versions édites. Hein. Ou alors t'arrêteras de parler tout simplement. Je crois que c'est la meilleure solution. Bon, je crois que c'est le mieux. Allez, on écoute tout de suite. Donc, voici Studio Apartment For Eruption. Avicii avec l'instant la dernière nouveauté de la soirée. C'était Studio Apartment for Eruptions. Et plus d'informations directement sur leur MySpace qui est www.myspace.com/studioapartment, comme ça se prononce tout simplement. Alors dans quelques instants, bien écoutez, retour de l'émission Heart and Soul avec pas mal de choses encore à découvrir. Bah oui, carrément, on a l'artiste Jimster encore. Voilà, une petite présentation de l'artiste anglais. Ensuite, ouais. Une petite présentation de label également. Mais oui, on va parler cette semaine de label Gotta Keep Face Records de Milan. Et puis les soirées éphémères aussi qui arrivent sur la région de Dueno, je dirais. Bientôt, ouais, entre guillemets, ouais. Eno, ça parle beaucoup justement sur ces soirées. Hein, oui, ça parle beaucoup. Ça parle plutôt pas mal, oui. Donc on va pouvoir écouter ça tout à l'heure avec attention. Vos commentaires et vos précisions surtout. Mais tout de suite, voici l'information de proximité avec l'agenda Galaxy, bien entendu. On vous parle immédiatement d'une exposition qui a lieu en ce moment même sur la ville de Waterloo pour fêter les 30 ans du carnaval de Waterloo. Rétrospective en l'hôtel de ville jusqu'au 12 avril inclus. Si vous voulez des informations, eh bien vous pouvez contacter le 03 20 80 59 50. Et si vous voulez d'autres informations, allez même sur le site internet de la ville, www.ville-waterloo.fr. Sinon, retour de la musique dans un instant, juste après ça. Toute l'actu de vos labels et artistes préférés sont à découvrir maintenant sur Galaxy. Alors, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir ce soir? On va aller faire un petit tour du côté de l'Angleterre. Ah, on va aller voir les English. Voilà, les roast beef, comme on dit. Les roast beef, ouais. D'ailleurs, s'ils nous écoutent. Hey, tu sais qu'il y a beaucoup d'étudiants français qui sont en Angleterre qui nous écoutent, sur le net. Ah, ok. Ah, ouais, on leur passe le bonjour alors. Exactement. Yes. Hello. Hello. Hello. H-E-2-L-O. Super. On va le mettre en podcast toutes les. Tout ce que Guy est belle, ce serait pas mal. On va m'appeler Victor bientôt, comme celui qui donnait les cours à l'époque. Ah oui, d'accord. Donc, nous partons du côté de l'Angleterre. On va parler un peu donc de Jimster, un artiste qui fait parler de lui depuis pas mal d'années. En fait, sous son pseudo se cache Jamie Odell, donc c'est son vrai prénom. Il a donc plusieurs pseudonymes, donc Jimster et aussi Audio Montage. Ses projets sous le nom Audio Montage sont un peu plus dance floor, tandis que Jimster, il a vraiment son son bien à lui, un son un peu progressif, minimal, mais bien deep, toujours dans l'esprit et toujours un peu groovy. Vraiment un bon artiste avec son image et son bien à lui. D'ailleurs, il a fondé en 1996 le label Free Range. Label connu de, je pense, tous les passionnés de house aujourd'hui, parce qu'il y a vraiment des sorties très éclectiques. House, tribal, un petit peu de tout en fait. Hein. Oui, il y a vraiment un peu de tout, aussi bien des trucs super calmes. Ça a été le premier, je crois, à signer tous les artistes comme Solid Groove, Shuriken, des petits artistes qui ont vraiment explosé plus tard. Il y a eu aussi Milton Jackson, Trevor Lovies. Coco Silco Oui, tout à fait, ouais. Je les ai chez moi, c'est pour ça que j'en parle. En fait. Très bon style d'ailleurs. Que j'ai. Ah ouais, c'est vrai. Mais tous les titres d'ailleurs sont toujours dans le même esprit et ils peuvent jouer aussi bien dans les soirées house que dans les soirées un peu plus minimales. Donc il a vraiment une très bonne renommée grâce à ça et surtout grâce à ses productions. Et d'ailleurs, depuis peu, il signe vraiment beaucoup de remixes. Voilà, notamment le Sandy Rivera Freak, remixé par Jimster, ou ouais. The Sad Piano, remixé par Jimster aussi. Enfin, des titres un peu plus club, mais avec sa version, ça touche toujours à lui. Et c'est ce qui fait de lui un peu son... Sa particularité, sa particularité en fait. Hein. Ouais. Il arrive vraiment à bien mixer et à redonner même aux titres un peu plus commerciaux une connotation underground qui peut jouer dans les soirées les plus branchées. Donc c'est vraiment sympa. Il joue un peu partout. Hein. Là, dans le récemment, monde il était à Kyoto. Il était à Miami aussi Non, je pense pas. C'est bon, on l'a pas vu, non. Il était à la Propaganda à Moscou, à la Fabrique à Londres, à Chicago... au Cocoon aussi, donc vraiment un peu partout, ouais. dans tous les clubs. Oh, putain. Ah ouais, là, un bon coup de fébresse s'impose encore une fois. Enfin, moi je suis bien ici dans mon studio. Ouais, moi, je crois que je vais... Mais là il te perturbe, c'est pas très cool, hein. C'est pas très sympa. Je crois que je vais étouffer. Donc là, il a sorti récemment son troisième album qui s'intitule Amour sur Free Range et qui a été classé dans les 20 meilleurs albums 2007 au niveau électronique. Donc un album qui a très bien marché, qui représente bien. Je vous le conseille d'ailleurs pour tous les auditeurs, chez tous les bons disquaires et aussi bien sur les sites de téléchargement Lego comme Beatport ou Tracksource. Et remixé par beaucoup d'artistes et donc un artiste complet comme on les aime et comme on aime parler ici. Donc je vais vous faire d'ailleurs la présentation tout de suite de son petit dernier morceau. Sorti pour la centième sortie de Free Range. ouais. Got a hold on your soul. Avec l'accent, s'il vous plaît. Hein. Excellent. Free Range. Je fais un effort pour ceux qui nous écoutent. Hein. Got a hold on your soul. Sur le label Free Range pour la 100e sortie. Une très bonne sortie. Avec aussi un. C'est la part 2. Il y avait une part 1 qui était très sympathique. Mais celle-ci va particulièrement dans mon cœur. Donc, Jimster, got a hold on your soul. Très bien. Mais écoute, rubrique impeccable de Guy. Moi, je dis 10 sur 10. Dans 10 les conditions 10. Actuelles, en tout cas. Hein, avec l'orage. Allez, la belle Free Range tout de suite avec Jimster. sent la bonne musique quand même. Hein, carrément, je suis fan. Ça sent la très très bonne musique. Jim Star à l'instant avec Got a Hold on Your Soul, ça s'appelle Free Range Records. Et c'était l'artiste de la semaine. On va enchaîner d'ailleurs tout de suite avec le label, forcément. Mais oui. Dans la même lignée. Mais oui, monsieur. Toute l'actu de vos labels et artistes préférés sont à découvrir maintenant sur Galaxy. Alors, quel est le label? On va partir du côté de l'Italie. Je pense que c'est une grande première pour nous cette fois-ci. On a eu du mal avec la Coupe du Monde, donc on s'est laissé un peu de temps. Maintenant, je pense que... On a bien digéré quand même. Voilà, donc on peut présenter un label italien. Donc c'est le label Gotta Keep Faith Records. Donc un label, ma foi, très sympathique. On a beaucoup entendu, enfin moi perso, je sais pas toi, mais cet été, à Miami plutôt, à la conférence. Ils étaient un peu partout. En tout cas, j'ai vu des t-shirts Gotta Keep Faith Records partout. Ils ont fait des soirées ou alors c'est juste ils avaient plusieurs soirées de prévues et puis ils sont venus aussi à notre première soirée. C'est vrai que donc c'est là où on les a rencontrés, mais c'est vrai que bonne promotion. En tout cas, ils ont de très très bons titres. Et donc justement, c'est un label indépendant créé à Milan, alors par Monsieur Cédric, puisqu'en fait c'est un Marseillais à la base qui a créé ce label, qui est parti en Italie donc avec un de ses collègues, je ne sais plus son nom, mais je ne l'ai pas trouvé d'ailleurs. Donc Monsieur Roger, on va dire. Voilà, mais c'est son nom, Monsieur Cédric. Et oui. Si c'est un Marseillais, on aurait peut-être pu le contacter, l'interviewer. Mais c'est pas fini, attends. Ah d'accord, je ne dis rien. Hop, attends, je sors mon téléphone. Ah, c'est vrai qu'on aurait pu, c'est vrai. Je crois que t'allais sortir autre chose, mais peut-être une prochaine fois. En tout cas, musicalement, c'est très un peu dans l'esprit de notre émission. Très soulful, deep house, un peu latin aussi, afro jazz. On peut retrouver vraiment de très bonnes productions et ils ont de très très bons projets avec des artistes internationaux. Alors on peut retrouver régulièrement sur leurs productions des artistes comme Melchior A, donc ça c'est... Ça a l'air soi, lui, Melchior, non? Il a des lunettes. Il est roux. Non, tu confonds avec Fan, toi. Et non, donc Melchior A, en fait, non, c'est un Français, Melchior A. Et il est de Lyon, d'ailleurs, on parlera de lui, un de ses quatre, parce qu'il fait de très très bonnes productions aussi. On peut retrouver aussi Dom Navara, on peut trouver DJ Rico, Spiritual Blessings, Siapa DJ... Et aussi Alex Dimitri, on va écouter l'un de ses titres d'ici peu, puisque en fait je vais pas vraiment prendre beaucoup la parole puisqu'on a beaucoup de choses à dire sur FMR Clubbing, donc je voudrais pas prendre trop le micro et faire n'importe quoi. Là tu l'as bien le micro. Oui, je l'ai bien, je sens bien. Tu le sers bien. Là, il est bon, il est chaud. Et donc voilà, on va écouter tout de suite l'un des titres du label Gotta Keep Faith Records avec Alex Dimitri sur avec un titre Freaky Funk, excusez-moi. Et je laisse tout de suite le MySpace, alors c'est myspace.com/Gotta. Faut les plaire. Records, je vais te laisser les plays parce que je sais que tu es très bon pour ça. Alors celui-là, il est très long à play. GOTTAK2EPFAITHRECORDS. On se croit dans les chiffres et les lettres, sauf qu'on n'a pas la même présentation au début. Je sais pas si vous avez déjà vu au zapping quand ils sont. Il manque les petits vieux derrière. Galaxy avec un instant le label Gotha Keep Face Records, label milanais managé par un Marseillais, ce qu'on nous a dit à l'instant. Donc ancien Marseillais. Oui, maintenant il s'est exporté à Milan. D'accord, à Milan d'un Milan. Petit blagueuse, hein. Mais oui. Le meilleur du clubbing et l'agenda des soirées, c'est tout de suite dans Art and Soul. Art and Soul. Et alors, bien, oui, le meilleur du clubbing cette semaine, on va parler des fameuses soirées éphémères clubbing, ou plutôt le club qui va accueillir éphémères clubbing. Mais d'abord, peut-être aussi tu vas me dire peu qu'est-ce que c'est que ce concept voilà. Éphémère d'ailleurs. Avant toute chose, je crois qu'il faudrait épeler le mot éphémère. M-R, pour ceux qui nous écoutent. Voilà, en plus, parce qu'il y en a qui vont dire bah non, éphémère, ça s'écrit pas comme ça, c'est E-P-H-E-M-E-R-E. Eh bien non, justement, là c'est. Jeu de mots. Ramucho. Éphémère, F.M.R. C'est voilà. Les chiffres et les lettres là. Ouais. Mais oui, c'est avec ça. Les comme ça on en est parti. Alors tout simplement éphémère puisque c'est un club qui va ouvrir pendant un mois seulement. Et oui, du 7 mai au 7 juin. Donc bien un mois précisément. Et ce sera au Zena Lounge. C'est un plus ou moins bar-restaurant qui se situe à Potelberg, à Courtrai. Et donc on va le retransformer en une boîte pour un mois avec des soirées à thème, donc du vendredi et du samedi. Donc vendredi plus basé house, soulful, deep house, tout ça. Et le samedi sera un peu plus électro freaky avec des artistes. Je vais vous en épeler quelques-uns. Non, c'est pas vrai, je vais pas épeler. Ouais, non, en tout cas, il y a quelque chose de fort à savoir dans éphémère, bien sûr, puisque c'est éphémère. Le logo avec le papillon, pour dire aussi éphémère, donc pour ceux qui n'ont pas encore vu le fly qui circule un peu partout, ainsi que sur le MySpace. La phrase forte, c'est accrochez-vous, vous allez être crevé. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc ça va être un mois de folie. Donc réservez vraiment votre énergie pour ce mois-ci parce que ça va vraiment être dur. À savoir, les résidents du vendredi seront Huggy Anton qui est à côté de moi, Stewie M, Sumik et moi-même. Le samedi, ce sera Julien Conem, Laurent Mishkind, Teda Nixon et Nathalie, une demoiselle qui sera résidente aussi chez nous. Alors faut savoir que en vendredi on aura des bonnes soirées, on aura des DJ comme Sven Van Is, on va avoir aussi Rocco, qu'on a déjà parlé de lui d'ailleurs, on a déjà parlé de lui Rocco. Ouais, c'est vrai. Ouais. On aura aussi Rourke, Tony Garland qui vient d'ailleurs chez vous vendredi. Kalki aussi avec Kalki aussi, Tom Ska pour une rétro. Le samedi ça va être plus orienté avec des artistes comme Fabrice League. On va voir un guest star, Freeform 5, qui sont jamais venus dans la région. D'accord. Donc ce qui est plutôt pas mal. Bien ça. On va voir aussi Phil Weeks le samedi. Puis aussi nos résidents qui feront des soirs aussi vraiment très puissantes. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah peut-être déjà le MySpace qui bouge pas mal. MySpace.com/FMR Clubbing, tout collé. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour du côté du MySpace, laisser des petits messages et rentrer vous en tant qu'ami, puisqu'il y aura pas mal d'infos. Que dire d'autre, mon cher ami? On n'a pas parlé d'IAS. Non, alors justement, donc, IAS. Sur le flyer qui est distribué, donc là il y a le premier agenda, puisqu'après il y aura aussi un autre volet avec tous les soirées détaillées. On n'a pas parlé de la première soirée, puisqu'en fait c'est une soirée d'inauguration qui sera sur invitation, et donc il y aura en invité DJ Yass. C'est un jeudi soir? C'est un mercredi, mais c'est férié le lendemain. D'accord. Donc voilà, et ce sera entrée gratuite mais sur invitation, donc il va falloir que tout le monde se débrouille pour retrouver les invitations. Donc on en mettra certainement ici d'ailleurs. Vous allez en mettre un petit peu au Parc du Lion, voilà, c'est ça, à la friterie au aussi Parc en de la face Butte, chez Fifeu. Dans tous les bons endroits où on risque d'avoir du beau monde, tout simplement. Très bien. Mais on va déjà, nous on sera sur le terrain, et en plus il y aura certainement des endroits fixes où vous pourrez récupérer toutes les invitations pour cette ouverture officielle. Non, qui est l'inauguration, parce que l'ouverture officielle, excusez-moi, ce sera le samedi 10 mai avec les résidents. Et donc ça, c'est la première soirée, le 10 mai, à part l'ouverture. Voilà, c'est ça. Le lancement, c'est le 10 mai. Voilà, lancement 10 mai. Donc c'est un vendredi soir. Voilà, donc je rappelle, l'endroit, c'est le Zena Lounge à Potelberg, à Courtrai, donc dans la grande zone industrielle de Potelberg. 20 minutes de Lille. Ouais. Un petit 20 minutes. Un petit 20 minutes. Hein. C'est très rapide. Dès que vous passez la frontière belge, c'est la deuxième sortie Courtrai. Voilà, après, c'est indiqué. C'est très facile d'accès et il y a un grand parking, donc ça tombe bien, parce que on attend beaucoup de monde, puisqu'il y a beaucoup de gens qui en parlent. On reçoit des messages, des mails et tout. C'est plutôt pas mal. Ouais, un bon petit buzz là. Ouais, je pense bien. En tout cas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le MySpace. Je vous répète, myspace.com/fmrclubbing. Et puis, je pense que d'ici l'ouverture de ce club, qui durera qu'un mois, bien sûr, on aura peut-être quelques invités, des interviews d'artistes, aussi peut-être le concepteur de ces soirées qui viendra nous faire un petit détail encore mieux que ce qu'on a fait maintenant. Mm-hmm. Voilà. Et puis tout de suite, on va écouter l'un des titres encore de DJ Yass qu'on a déjà écouté la semaine dernière, mais qui est à nouveau maintenant, puisque Yass sera l'invité exceptionnel de l'inauguration. Donc on va écouter l'un de ses titres. C'est un remix de Mark Grant avec le titre Guessing Again. Alors sur le label, je ne me rappelle plus. C'était un sous-label de Defected en tout cas. Et pas mal joué aussi par pas mal d'artistes. Je laisse un petit MySpace aussi au passage de Yass. Les gens aiment bien le MySpace. Donc ouais, tu peux y aller, aucun problème. MySpace.com/DJYassForever. Et Forever, c'est le fort numéro 4. Je vais pas épeler, mais c'est le numéro 4. Number 4. Si vous avez compris, 03 20 83 57 77. Là, ça vaut vraiment un coup de téléphone, hein, sans problème. Sans problème. Allez, on écoute quand même. I wanna know. Avec un instant le mix de DJ Yass, c'est bien ça? C'est bien ça. Hein, ouais, il faut me brancher pour parler. C'est toujours mieux parce que je vais gagner pile à un moment, c'est pour ça. Alors, est-ce qu'il y a encore des choses à balancer à nos auditeurs à part ce gros souvenir que vous avez ramené? Mais peut-être l'agenda éventuellement. Bien sûr. Ça te dit. Hein. Allons-y. Juste après le jingle? Allez, un petit jingle. Petit jingle pour la forme. Le meilleur du clubbing est là. l'agenda des soirées, c'est tout de suite dans Heart and Soul. Heart and Soul. Et c'est parti. Ah oui, bah écoutez, vendredi 11, date de mon anniversaire. Ah, oh. Justement, à ce propos. Qu'est-ce que tu vas dire? Est-ce que tu as mangé les petits bonbons qui étaient autour de ton slip quand t'as offert C'était pas un slip. Hein. C'était quoi? C'était un petit string. Mais oui. Un string. S'il vous plaît. Bah écoute, non, je les ai pas encore mangés. Peut-être que quelqu'un va devoir le faire à ma place. Enfin, en tout cas, Tony essaie d'en manger quelques-uns. Ouais, j'ai vu ça, j'avais vu. C'était assez impressionnant et inattendu surtout. Ah oui, c'était assez inattendu. On a des belles photos de ça d'ailleurs. D'ailleurs, il y a un bel album photo qui tourne. Non, avec des souvenirs de la radio d'ailleurs. Ouais, on va tout laisser. On laisse ça chez moi. Est-ce qu'il y a des odeurs qui sont livrées avec ou pas? Non. On en garde certaines bien. Allez, vas-y. On peut rester sérieux un petit peu? Mais bien sûr. Alors, ce vendredi 11, la soirée 5 Beats avec DJ Spina et Franck Roger au June à Paris. Du côté du Bataclan, toujours à Paris, on va retrouver Am, Dixon et Jay Hayes pour une soirée plutôt minimale. Tous ceux qui sont du côté de la région, alors n'oubliez pas d'aller faire un tour du côté de l'Escape, puisqu'il y a, pour une des premières, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu une Thanks God It's Friday, puisque c'est une soirée de vendredi, oui. Soirée So Happy in Paris avec Tony Garlin et Michael Canitro, donc à ne pas manquer du côté de l'Escape Concept ce vendredi. D'accord, donc c'est bien soirée Thanks God It's Friday, parce que tu venais de dire Sex God in Friday. C'est ça que j'ai dit. C'était un remix. Non, il y aura quoi, qu'il y aura peut-être du sexe. Il y aura Kalki aussi, je tiens à préciser. Eh oui, Kalki, excusez-moi, j'ai oublié de préciser dans la petite salle là. Et puis ce samedi 12, qu'est-ce qui se passe ce samedi 12? Du côté du Dirty Dancing de Bruxelles, on va retrouver Sass et Compuphonic. Et oui, soirée Aroma, ne pas manquer aussi du côté du Silo, avec les 10 ans du label Aroma, avec James Curdre, Raoul et Tino. Et enfin, du côté des petits Suisses, on va à Berne avec une Purple Music Night au Liquid Club avec Jamie Lewis. Ne pas confondre avec Berk. Présenté par Timothée Milton, Guy Anton et Guillaume. Et on va terminer en beauté. Ah, on est pas mal, on est plus ou moins dans les horaires pour une fois. Ah, mais on a pris de bonnes résolutions. Hein, on est bien, on est bien. Alors, on quel est bien. Le gros souvenir hein, que vous nous avez ramené ce soir hein. Ça sent le Carlos là-dessous. Ouais, il y a du Carlos et du serpent aussi. Non. Ouais, non. Ah non, c'est bon. Ça rappelle la bonne époque. On aurait ça. Pu faire un rébus aussi, ou un. Poser des problèmes. Bon. Donc, c'est DJ Snake. Eh oui. Snake. Ça dépend. Snake. Et le titre, Keep on Groovin' sur Strictly Rhythm. Est-ce qu'on en met souvent hein, de ce label finalement? Les gros classiques sont sur ce label, mais on va pas se priver non plus pour ça. Donc, je vais pas épeler Strictly Rhythm, mais oui. En tout cas, un gros titre, un bon souvenir. DJ Snake, Keep on Groovin'. Galaxy avec un instant, bien sûr, la tradition hein, dans l'émission Heart and Soul. Tous les mardis soirs entre 18h et 19h, on termine par un excellent souvenir. Très justement sélectionné d'ailleurs. Hein ah, mais oui. Ah, mais carrément. Et toujours en vinyle, hein, t'as vu ça? Ouais, c'est bien, on entend les petits craquements, ça pâle. Et c'est normal, c'est la petite touche. Voilà, c'est la petite touche rétro. C'est de 96 en tout cas. 96 seulement? Ouais. Ah, j'aurais cru un petit peu plus vieux. Hein. Non, 96, tu peux regarder sur vinyle. Ça après. Fait déjà 12 ans, quand même. Hein. Ah, ouais, c'est vrai, ça ouais, ouais, ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et ouais. Très bien, et ben voilà, bon. C'est la fin. C'est la fin d'Arico. On se retrouve semaine prochaine. Tout à fait. Pour certains dans les discothèques. Oui, sûrement, oui. Oui, là. Semaine chargée pour toi, mon petit Huggy. Tout à fait. Ouais. Ouais. Pas mal de soirées. Ça va être agité ce week-end. Très bien. Ah bah, écoutez... Vivement la retraite, moi je vous le dis. 35 heures, on est où là? Allez, bon, bah, écoutez, à la semaine prochaine donc, pour une nouvelle émission Heart and Soul avec plein de bonnes surprises. Bien sûr, et peut-être, et même presque sur une interview d'un artiste qui va passer dans la région très prochainement. Donc, Très bien, on peut peut-être même rappeler pour clôturer le MySpace de l'émission. www.myspace.com/heartandsoulsound ou le site internet oui. www.fmr, je vais dire. Ah, mais il est perturbé, il y en a trop là. Soulmusic.net. Voilà. Il est trop. Je trouve qu'il a bien dit le. Il a trop inhalé hein, en tu fait. Je trouve qu'il a même mis l'accent pour le Heart and Soul. Ah, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas mal du tout. Et pour ceux qui veulent aussi retrouver un peu le track listing, il sera posté, j'imagine, sur le forum de Galaxy, n'est-ce pas, mon petit Timothée? Oui, il est pour le moment que sur le MySpace, mais il va bientôt arriver. Nous débarquons sur le forum très bientôt. Très bien. Ça casse. Allez, bonne semaine à vous deux. Allez, salut, à la prochaine. Galaxy.